De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au micro, et on va s'intéresser maintenant à notre santé digestive, une thématique fort populaire dans les médias, mais également dans le domaine de la recherche en nutrition, un sujet aussi qui est de plus en plus abordé en lien avec l'alimentation et la digestion, c'est le microbiote, ainsi que la multitude de suppléments qui ont pour objectif de l'optimiser, comme les probiotiques et les prébiotiques. Et avec toutes les allégations santé qu'on entend, c'est très complexe de démêler le vrai du faux, de prendre les décisions qui vont être bénéfiques pour notre santé, sans débourser non plus des sommes astronomiques pour des suppléments plus ou moins efficaces. Alors, pour démêler un peu tout ça, eh bien, j'ai en face de moi Clémence Desjardins, qui est nutritionniste et candidate au doctorat à l'Université Laval. Et elle va donc démystifier les différents termes relatifs au microbiote, nous expliquer ce qu'on peut faire pour qu'il se porte bien et quels sont c'est les liens entre le microbiote et notre santé. Bonjour Clémence. Bonjour Valérie. Alors d'abord, peut-être tu pourrais nous expliquer ce qu'on entend par microbiote. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. C'est quand même un terme très utilisé, mais c'est peut-être pas tout le monde qui sait exactement ce que ça signifie. Oui, effectivement, un terme très utilisé. De façon générale, quand on parle d'un microbiote, ça fait référence à un ensemble de micro-organismes, comme par exemple des bactéries et des levures, qui vivent dans un écosystème défini. Donc, il existe plein de microbiotes différents. Par exemple, microbiote cutané, ben c'est les micro-organismes qui vivent sur notre peau. Le microbiote buccal, c'est les micro-organismes qui vivent dans notre bouche. Puis, ben le microbiote intestinal ou la flore intestinale, ce sont les micro-organismes, surtout des bactéries, qui habitent dans notre intestin. Puis particulièrement dans notre côlon, qui est la dernière partie là, du tube digestif avant la sortie. Puis, pour donner une idée de l'importance en termes de quantité là, du microbiote, on estime qu'il y a environ le même nombre de cellules humaines que de cellules bactériennes chez chaque individu. Donc, le corps d'une personne moyenne là, est constitué de 30 trillions de cellules humaines. Ça veut donc dire qu'il y a également 30 trillions de bactéries sur le corps de cette personne-là, donc de tout le monde. Sur le corps et dans le corps, j'imagine, elles ne sont pas toutes en surface, là. Exact. Si elles sont dans l'intestin, elles sont à l'intérieur. Oui. 30 trillions, c'est quand même beaucoup. Oui. Et puis en fait, ce qui est étonnant, c'est de savoir qu'on a autant de bactéries qui nous habitent que de cellules. Oui. C'est ça, c'est autant. Vraiment. Et puisqu'il y a justement une si grande quantité de bactéries, ça doit expliquer, du moins en partie, pourquoi c'est un sujet autant populaire aussi. Mais sinon, pourquoi les scientifiques s'intéressent aux bactéries qui habitent dans notre intestin plus particulièrement? Oui, c'est ça. C'est un sujet très, très populaire. Puis ça fait aussi en sorte qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent sur ce sujet-là, malheureusement. Mais ce que les études scientifiques nous permettent de comprendre, là, notamment, c'est que le microbiote intestinal n'est pas uniquement relié à la digestion, mais aussi relié avec la santé de plusieurs organes, comme la peau, le foie, aussi en lien avec les niveaux de cholestérol dans notre sang, par exemple, et même avec la santé mentale, pour dire quelques exemples, là. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui est faite pour savoir si ça serait possible d'améliorer la santé en passant par le microbiote. Puis pour ça, c'est important, d'une part, là, d'identifier les bactéries qui sont présentes dans le microbiote, parce que en fait, il y a plusieurs centaines de bactéries différentes qui peuvent être présentes, d'espèces de bactéries, mais il faut également étudier les fonctions, les rôles de chaque type de bactéries pour savoir comment ils peuvent influencer la santé. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de bactéries, c'est pas toutes les mêmes bactéries. Non. Et avec cette énorme variété de bactéries, elles doivent pas avoir toutes les mêmes effets sur notre santé. Il y en a peut-être des bonnes, il y en a peut-être des mauvaises. Et est-ce qu'elles sont généralement classifiées justement comme étant bonnes ou mauvaises? Est-ce que tu peux nous donner des exemples et nous expliquer ce qui fait en sorte qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Bien, en général, les bifidobactérium et les lactobacilles, ce sont les groupes de bactéries là, qui sont associés favorablement à la santé. Ces deux types-là sont beaucoup étudiés quand même. Puis d'un autre côté, des exemples de moins bonnes bactéries, mauvaises bactéries, comme on aime dire, il y aurait Clostridium difficile, qu'on connaît bien là, sous le nom de C. difficile pour son abréviation, et aussi d'autres types de Clostridium, donc dans le même genres de bactéries. Et il y a aussi certaines souches E. coli, qui est encore là une abréviation. Et ces souches-là là, sont bien connues pour causer des infections digestives. Par contre, même s'il y a certaines bactéries qui sont typiquement reconnues comme étant bonnes pour la santé, puis d'autres mauvaises pour la santé, ben leur classification va aussi dépendre de la situation. Parce que une personne peut avoir une petite quantité de Clostridium difficile dans son intestin, par exemple, puis avoir aucun souci de santé. Mais quand la personne devient plus âgée ou si son système immunitaire est plus faible, moins efficace, par exemple, mais même cette même quantité-là de Clostridium difficile peut provoquer une infection. Mmh. Et à l'opposé, ben, avoir trop de bonnes bactéries, par exemple, trop de Bifidobacterium, même si c'est ça, ce sont des bonnes bactéries, s'il y en a trop, ça peut être sous-optimal pour la santé, surtout si ça fait en sorte que d'autres bonnes bactéries peuvent pas se multiplier parce qu'il y a trop de bifidobactéries. Elles prennent toute la place. Exactement. Donc, parce que ça, c'est un autre point là, qui est important aussi à considérer, c'est la diversité de bactéries. Mm. Un microbiote en santé, c'est un microbiote qui contient, oui, des bonnes bactéries, mais aussi beaucoup de variétés de souches bactériennes. Donc, c'est vraiment important de considérer le contexte pour pouvoir déterminer si une souche de bactéries est bénéfique, a des effets délétères ou même neutre sur une personne, pour une personne en particulier. Ouais. Puis donc, je vois qu'on parle de biodiversité aussi pour notre microbiote, ouais. finalement. Alors, est-ce que c'est une question d'équilibre, finalement, ou de proportion entre les bonnes et les mauvaises bactéries? C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement problématique d'avoir un peu de mauvaises bactéries si, à côté de ça, on a beaucoup de bonnes bactéries. Mais par contre, si on a beaucoup de mauvaises bactéries et peu de bonnes bactéries, bah, c'est là que ça devient embêtant pour la santé. Oui. C'est une question d'équilibre entre sur le plateau de la balance, là, on met les bonnes et les mauvaises d'un côté, puis on voit de quel côté penche la balance, et puis qu'est-ce que ça fait sur notre santé. Exactement, c'est ça. Puis quand il y a justement un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, bien, on va appeler ça une dysbiose. Mm. Puis la dysbiose, ça peut être causé par un excès de mauvaises bactéries, ça peut être aussi causé par un manque de bonnes bactéries ou par un manque de diversité dans les souches bactériennes. Mais il n'y a pas de seuil spécifique là, en termes de ratio, par exemple, entre les bonnes et les mauvaises bactéries, simplement parce que le microbiote, c'est vraiment, vraiment variable d'une personne à l'autre. Donc, les seuils ne seront pas les mêmes de toute façon d'une personne à l'autre. Puis aussi, la dysbiose, ça peut être causé par plein, plein de choses. Par exemple, l'utilisation d'antibiotiques, l'utilisation de certains médicaments, le tabagisme, l'alcool, le stress, l'alimentation. Donc ça, c'est juste quelques exemples, mais il y en a des tonnes. Et dépendamment de, justement, la cause, dépendamment du type de bactérie, dépendamment de l'état de santé de la personne, puis aussi de plein d'autres choses, ben ça va aussi influencer le type de traitement. Ouais. Donc, c'est certain que ultimement le traitement va être très individualisé et adapté à chaque personne. Alors, puisque le microbiote peut influencer plusieurs aspects de la santé, là, comme tu le disais plus tôt, c'est pas juste la santé digestive, ça va même jusqu'à la santé mentale, est-ce que une dysbiose pourrait être responsable de certaines de ces maladies digestives ou autres? Bien, quand il y a un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries ou qu'il y a un manque de diversité, ça fait en sorte que les micro-organismes pathogènes peuvent plus facilement prendre le dessus. Donc, c'est plus facile de développer une infection, par exemple, parce que bien, les bonnes bactéries sont pas assez nombreuses pour empêcher les mauvaises bactéries de se multiplier. Ce qui revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Puis, pour ce qui est des maladies chroniques, ben il y a souvent des associations avec le microbiote. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, chez les personnes qui ont une maladie inflammatoire dans l'intestin, un diabète ou un cancer, ben il y a également une dysbiose qui est présente en même temps. Donc, ça ne veut pas dire que la dysbiose est arrivée avant et qu'elle a causé la maladie, qu'elle est responsable de la maladie, mais par contre, les deux phénomènes sont observés simultanément, donc la maladie et la dysbiose. Mmh. Donc c'est ça, il y a une corrélation, mais la causalité dans un sens ou dans l'autre n'est pas forcément établie. Là. Exactement. Ouais, ça c'est bien. Donc comme tu l'as mentionné aussi, pour traiter la dysbiose, faut adopter une approche individualisée parce qu'on a chacun notre microbiote. Mais si on veut éviter la dysbiose et s'assurer d'avoir un microbiote en santé, Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que faut prendre des suppléments? Est-ce que c'est compliqué? En fait, la manière la plus facile, c'est de manger plus de végétaux riches en fibres. Donc, les fruits, les légumes, légumineuses, entiers, les noix, les graines. Puis d'ailleurs, c'est ce à quoi ressemble l'assiette recommandée par le Guide alimentaire canadien. Donc, si on s'attarde aux recommandations du Guide alimentaire canadien, ça devrait quand même bien aller. La raison pour laquelle les fibres sont autant importantes pour le microbiote, pour avoir un microbiote en santé, c'est que ce sont des prébiotiques. Autrement dit, les prébiotiques, c'est la nourriture pour les bonnes bactéries. Donc, si on donne des fibres aux populations de bonnes bactéries qui sont dans notre intestin, on leur permet de grandir et de rester en bonne santé. Puis, puisqu'on veut un microbiote avec une grande diversité de bactéries, au risque de me répéter, c'est important de manger une grande diversité de végétaux également. Donc, un truc pour ça, on se concentre sur les couleurs dans notre assiette. Règle générale, plus de couleurs, plus de diversité. Puis, il existe aussi des suppléments de prébiotiques. Oui, c'est vrai qu'il en existe, mais pour la grande majorité des gens, c'est vraiment mieux pour la santé et pour le portefeuille également de simplement manger plus d'aliments végétaux riches en fibres. D'autant plus que ces aliments-là vont avoir plein d'autres nutriments qui vont être bons pour la santé en général, en plus des fibres qui vont aider à nourrir notre microbiote. C'est ça. Donc, les prébiotiques, c'est la nourriture pour notre microbiote. Et maintenant, alors, qu'en est-il des probiotiques? On en retrouve aussi dans certains aliments comme le yogourt, mais il existe également plein de suppléments sur le marché. Et puis, il y a du marketing avec les probiotiques. Donc, c'est quoi les probiotiques? Les probiotiques, en fait, ce sont des micro-organismes vivants qui, quand ils sont administrés dans les bonnes quantités, ont un effet bénéfique sur la santé humaine. Donc, ce sont les bonnes bactéries, des bonnes bactéries qui ont été démontrées comme ayant des bénéfices spécifiques pour la santé. Ce sont pas toutes les souches bactériennes qui sont des probiotiques parce que certaines d'entre elles ont simplement pas d'effets qui ont été prouvés pour la santé. Par exemple, le yogourt, c'est vraiment un bon exemple parce que c'est un aliment fermenté, en effet. Donc, c'est sûr que ça prend des bactéries pour faire du yogourt parce que ça prend des bactéries pour faire la fermentation. Mais pour pouvoir dire qu'un yogourt contient des probiotiques, il faut des études scientifiques qui montrent que les souches bactériennes utilisées ont des bénéfices sur la santé. Donc, même si tous les yogourts contiennent effectivement des bactéries, ce ne sont pas tous les yogourts qui contiennent des bactéries probiotiques. Donc, il y a des probiotiques dans certains yogourts, mais est-ce qu'il y a d'autres aliments qui contiennent des probiotiques? Donc, je pense par exemple aux aliments fermentés comme la choucroute, le kombucha, le fromage, même le pain au levain. Puis, j'ai aussi aperçu des aliments qui s'affichent comme contenant des probiotiques sans pour autant être fermentés comme des céréales à déjeuner ou dans les barres protéinées. Est-ce que ça veut dire qu'on a ajouté les probiotiques? Oui, exactement. D'abord, c'est certain que tous les aliments fermentés vont contenir des bactéries pour faire le processus de fermentation, mais encore une fois, comme pour le yogourt, ce ne sont pas nécessairement des probiotiques parce que les bactéries doivent être vivantes et avoir un effet bénéfique sur la santé humaine. Donc, dans le cas du pain ou le vin, c'est un bon exemple parce que, en fait, un bon contre-exemple, parce que même s'il y a une fermentation par des bactéries, elles ne vont pas nécessairement... En fait, elles vont assurément pas survivre à la cuisson. Donc, elles sont pas vivantes quand on mange le pain. C'est vrai. Puis, les bactéries, en fait, sont assez difficiles là, par rapport à leur milieu de vie. Donc, si un aliment fermenté est transformé après sa fabrication, il y a des très bonnes chances que ça tue les bactéries. Donc, on pourra pas dire à ce moment-là que ce sont des probiotiques. Ensuite, oui, certains fabricants peuvent choisir d'ajouter des probiotiques à toutes sortes d'aliments. Puis, quand c'est le cas, la souche et la quantité de bactéries vont être indiquées sur l'emballage. Mais encore une fois, parce que les bactéries ont besoin d'un environnement bien spécifique pour rester en vie, ben ça garantit pas qu'elles vont encore être toutes vivantes au moment de la consommation de l'aliment. Ah oui, parce qu'on entend, on comprend que c'est des aliments transformés, donc quel processus ça a subi et quand les bactéries ont été ajoutées et sont-elles encore vivantes quand on achète cet aliment? Exact, ouais. Effectivement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est aussi des suppléments de probiotiques? Parce que là, il y en a beaucoup sur le marché. Est-ce qu'ils sont tous aussi efficaces les uns que les autres? Comment on peut les distinguer et savoir s'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Ouais, ben c'est vrai qu'il existe énormément d'options, non seulement en termes de marques différentes, mais aussi en termes de souches bactériennes qui sont utilisées, puis de leur quantité dans les capsules. Puis puisque les lactobacilles et les bifidobactériums sont les grandes catégories là, de bactéries les plus étudiées pour le microbiote, ben la majorité des suppléments vont inclure au moins l'une et même et ou l'autre de ces catégories-là. Mais justement, même à l'intérieur de ces catégories-là, ben il existe plusieurs souches différentes. Mm. Puis ça, ben c'est très, très variable d'un supplément à l'autre en fonction des conditions de santé qui vont être ciblées et des études scientifiques disponibles. Mm-hmm. Pour ce qui est de la quantité de bactéries vivantes, elle va être apportée en nombre d'unités formatrices de colonies, ou UFC. Puis, typiquement, ben, ça va varier en 10 et 50 milliards d'UFC par capsule. Par contre, une plus grande quantité d'UFC, ça ne veut pas nécessairement dire qu'un supplément est meilleur qu'un autre, surtout, en fait, si le produit est mal conservé. Puis, à cet effet-là, c'est vraiment important de respecter les indications qui vont être inscrites sur l'emballage. Par exemple, est-ce que le supplément doit être réfrigéré ou non? Et aussi de consommer le supplément avant sa date d'expiration pour pouvoir maximiser son efficacité. Mais ça ne doit pas être évident de savoir lequel on doit prendre si on ne connaît pas la composition de notre propre microbiote. En fait, si on ne sait pas de quel type de probiotiques on aurait besoin pour améliorer notre microbiote, on ne peut pas savoir a priori quel supplément serait bon pour nous ou pas. Exactement. Puis est-ce que tout le monde en fait devrait prendre des suppléments de probiotiques, ou est-ce qu'il y a certaines situations dans lesquelles il serait plus utile? Oui, c'est ça. Ben, d'abord et avant tout, là, si on a une alimentation diversifiée en végétaux, donc qui contient beaucoup de prébiotiques par le fait même, ben en plus d'avoir aucun problème digestif particulier, prendre un supplément de probiotiques, ce sera probablement pas néfaste, mais probablement pas bénéfique non plus. En fait, c'est faux de croire que prendre un supplément de probiotiques va systématiquement améliorer notre état de santé. Parce que tout comme un médicament, ben, il faut choisir un probiotique qui est spécifique pour un problème qui est spécifique. Mm-hmm. Donc, certaines souches ont été prouvées pour être efficaces, notamment pour prévenir la diarrhée associée aux antibiotiques, pour la prise en charge du syndrome du côlon irritable ou pour certains cas de constipation, notamment. Mais, par exemple, si quelqu'un décide de prendre un supplément de probiotiques qui est développé pour le syndrome du côlon irritable, sans pour autant avoir le syndrome du côlon irritable, ben ça sera pas vraiment utile. Mm-hmm. Puis, d'un autre côté, ben si quelqu'un, par exemple, prend des antibiotiques et veut prévenir la diarrhée, mais que cette personne-là prend des probiotiques qui sont prouvés pour soulager la constipation, ben ça servira pas en grand-chose encore une fois. Ouais, c'est vrai. Et comment on peut faire pour s'y retrouver parmi toutes les options disponibles pour choisir ce qui est le mieux pour nous alors? Ben d'abord et avant tout, c'est vraiment important de le mentionner, d'en discuter avec un professionnel de la santé compétent, donc un médecin par exemple ou un pharmacien, surtout pour s'assurer que le supplément ne sera pas contre-indiqué dans une situation particulière. Par exemple, dans le cas de certaines conditions de santé, si vous êtes enceinte ou si vous prenez d'autres médicaments ou d'autres suppléments, ça pourrait être contre-indiqué. En plus de ça, ben si vous voulez effectuer des recherches là de votre côté pour mieux comprendre les différentes options, il y a l'Alliance pour l'éducation sur les probiotiques, AE Probio, qui a créé un guide qui est très complet et qui est mis à jour annuellement en se basant là sur des études scientifiques récentes. Puis le guide est disponible sur leur site internet en format PDF qui peut être imprimé, mais aussi là sous forme d'application pour les appareils mobiles. Donc, vous pouvez facilement le retrouver là, en tapant Guide probiotique Canada là, dans votre moteur de recherche, par exemple. Bon, une bonne référence à connaître, alors. Oui. Guide probiotique Canada. Donc là, on a parlé des probiotiques, des prébiotiques. Est-ce que c'est plus avantageux de combiner les pré- et les probiotiques? Par exemple, si on veut prendre un supplément de probiotiques, est-ce que ce sera plus efficace si on prend aussi un supplément de prébiotiques? Oui, ben dans ces cas-là, on pourrait appeler ça des symbiotiques. La définition exacte de ce terme-là là, était un peu plus complexe et nuancée, mais de façon générale, là, on pourrait dire que c'est effectivement une combinaison de probiotiques et de prébiotiques. Donc, à l'intérieur d'une seule et même capsule, on retrouve à la fois les bonnes bactéries et la nourriture pour ces bonnes bactéries-là. Mais comme pour les probiotiques, ben c'est pas un supplément qui est pertinent pour tout le monde, parce que ça dépend des souches de bactéries et de leur efficacité, si elle est démontrée ou pas. Donc, c'est vraiment important encore là de demander l'avis d'un ou d'une professionnelle de la santé pour savoir si ça pourrait être utile dans votre situation spécifique. Donc, on comprend là que d'avoir un microbiote en santé, c'est important pour plusieurs aspects de la santé humaine, mais en fait, par quel mécanisme c'est important? En fait, c'est-à-dire, de quelle manière est-ce que les bactéries qui se retrouvent dans notre intestin peuvent contribuer à notre santé globale? Bien, il y a plusieurs mécanismes d'action qui sont étudiés pour potentiellement expliquer là, comment le microbiote influence la santé humaine. Donc, une de ces hypothèses-là, c'est que les bactéries possèdent des enzymes que nous, les humains, on ne possède pas. Donc, grâce à ça, les bactéries peuvent synthétiser des vitamines ou digérer des nutriments pour qu'ils puissent ensuite être absorbés par notre corps, comme si elles nous permettaient, en fait, de retirer plus de bénéfices des aliments qu'on mange. Puis aussi, les bactéries produisent des petites molécules qu'on appelle les postbiotiques. Ah, les voilà, les postbiotiques. Ouais. Et différentes souches de bactéries vont produire différents types de postbiotiques qui vont jouer différents rôles dans le corps. Comme par exemple, les postbiotiques peuvent contribuer à réguler l'appétit, puis aussi peuvent contribuer à la santé des cellules de l'intestin. Et finalement, un des autres mécanismes, là, ce serait par rapport à l'axe intestin-cerveau, un terme qu'on entend souvent, parce que en fait, une grande partie de notre système nerveux est reliée à notre système digestif, puis le microbiote peut produire ou stimuler la production de certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Donc, ultimement, ben, ça peut jouer un rôle là, dans notre humeur, par exemple. Ben, je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur les pros, les prébiotiques et même les postbiotiques. Pour terminer, comment tu pourrais faire un résumé des éléments importants qu'on devrait retenir? D'abord et avant tout, pour avoir un microbiote en santé, il faut avoir une bonne diversité de bonnes bactéries dans notre intestin. Puis pour ce faire, ben c'est important de manger une bonne diversité d'aliments végétaux, comme ce qui est recommandé par le Guide alimentaire canadien. Ensuite, ben les suppléments de probiotiques, même s'ils sont très populaires, ne sont pas tous efficaces et c'est pas obligatoire d'en prendre un pour avoir un microbiote en santé. Mais si, par exemple, vous voulez tout de même en prendre un pour quelconque raison, ben c'est vraiment important de choisir le bon type et surtout d'en discuter avec un ou une professionnelle de la santé parce que dans certaines situations, ça peut être contre-indiqué. Voilà, c'est très éclairant cette chronique sur les pros, les prébiotiques et les postbiotiques. Je te remercie beaucoup, Clémence, d'avoir fait cet effort, de nous avoir démêlé tout ça. Merci. Alors, je rappelle que Clémence Desjardins est nutritionniste et candidate au doctorat à l'Université Laval.